Bob Dylan, Richard Sega, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Carolina Chocolate Drops, Leonard Cohen, Lila Downs, Lisa Leblanc, Townes Van Zandt, Neil Young, Folk d'Amérique. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL. Samedi, la radio qui cultive ses racines. 25 janvier 2014. Aujourd'hui, au Grain de Sable, nous aurons un entretien à propos de collaboration santé internationale en première partie d'émission. Ce sera suivi de l'éditorial de Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec. Par la suite, je m'entretiendrai avec Robert Jasmin. Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Michel Monette au micro. Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Québec. Cette semaine, la directrice générale de Collaboration Santé Internationale répond à nos questions après ce qui suit. Après, tu viens au Mopti pour le concert. Si tu viens au Mopti, il n'y a pas oublié moi, hein. D'accord, moi, je m'appelle Mamadou. Moi, je tombe ta musique bien, bien, bien, bien. D'accord, ciao, bonne journée, ciao, bisous. C'est un bifet de Amadou et Mariam. Amadou et Mariam, deux chanteurs que j'aime beaucoup. Bonjour, Madame Defoy. Bonjour, Madame Monette. Oui, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Aujourd'hui, on parle de collaboration santé internationale. Peut-être dans un premier temps, nous expliquer comment est né cet organisme. Collaboration Santé Internationale est un organisme non gouvernemental, sans but lucratif, fondé il y a maintenant 45 ans par le père Célestin Marcotte. Père Marcotte était un capucin et pendant plusieurs années, incidemment, il a été curé de la paroisse Saint-Charles de Limoilou, donc tout juste ici à côté. Oui. Et aussi, nos bureaux, nos locaux sont dans Limoilou, au 10-01, chemin de la Canardière. Donc, on est presque vos voisins. Oui. Vous êtes tout à côté, effectivement. Quelle est la mission de Collaboration Santé Internationale? La mission de Collaboration Santé Internationale est de venir en aide aux populations des pays en voie de développement dans leurs efforts de développement durable. Ceci est bien important pour nous dans le secteur de la santé et de l'éducation. Cette aide, si vous voulez, je peux toujours tout de suite ajouter cet appui. Cette aide se fait au moyen de l'envoi de matériel médical, équipement, fourniture médicale, médicaments, mobilier. Oui. Enfin, tout ce qu'il faut pour rendre fonctionnel un centre de santé, un dispensaire, un hôpital. Il y a un mot important, le mot container, c'est un mot que j'ai lu beaucoup, j'ai lu votre documentation, ce mot qui revient souvent. Vous préparez tout ce matériel, vous le mettez dans un entrepôt et vous envoyez ça dans des containers. D'ailleurs, justement, vous me disiez juste avant qu'on entre en onde qu'il va y en avoir un qui va partir bientôt. Oui, bientôt, oui, il y en a pas un chaque semaine, ah oui? À peu près, oui. Ah oui. L'an dernier, on en a fait 32. Cette année, probablement qu'on en fera 40. Pour vous expliquer un peu, d'abord, Collaboration Santé Internationale est accréditée par le ministère de la Santé du Québec pour recevoir tout ce qui est en surplus dans le réseau de la santé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un échographe, un rayon X, des lits, des fauteuils roulants qui sont en surplus ou qui vont être changés pour du matériel qui est plus moderne, on fait appel au réseau. Si personne en a besoin, on nous téléphone. Nous avons des camions et partout à travers la province, on va chercher ces équipements-là. On les amène dans nos locaux, on les examine, on les repart, on les met en état et on les rend fonctionnels. C'est une belle forme de recyclage. Finalement. C'est une forme extraordinaire. Oui. Alors, écoutez, l'an dernier, on a dû recycler pour 75 000 tonnes d'équipements. Les containers qu'on a expédiés valaient environ la valeur totale plutôt, était de 4 millions de dollars. Oui. Donc, dans 17 pays différents. 17 pays différents. Là, celui que vous préparez présentement, il s'en va vers... Il s'en va au Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal, oui. Il s'en va à la demande parce que, bon, il faut bien vous expliquer que notre organisme répond à une demande. Nous ne sommes pas un organisme d'offre. C'est-à-dire qu'une ONG, par exemple, va avoir construit un dispensaire, un centre de santé, et va prendre contact avec nous pour qu'on l'aide à l'équiper. Parce que très souvent, ils ont l'argent pour le construire, mais ils n'ont plus le budget pour en faire l'aménagement, l'équipement. Ouais. Donc, il fait appel à nous. Après plusieurs démarches, courriels, inscriptions, formulaires, nous, on s'assure que cet organisme est sérieux, il est crédible, il est capable de s'occuper de l'équipement qu'on va lui donner, parce que l'équipement est donné, faire les procédures de dédouanement, ceci est une étape très importante, et installer tout le matériel. Donc, c'est vraiment les choses dont l'organisme a besoin. Alors, si c'est un centre de santé, le matériel est de premier niveau, si on peut dire, un peu plus pour un hôpital de premier degré ou deuxième degré. Mm-hmm. Donc là, cette semaine, nous avons préparé un conteneur pour le Sénégal en collaboration avec un organisme qui s'appelle Union Solidarité Entraide, avec lequel nous travaillons déjà depuis 4 ans. Nous avons envoyé 2 conteneurs, ceci est le troisième. Donc, la particularité de cet organisme, c'est d'opérationnaliser un centre d'ophtalmologie à Dakar, en banlieue pauvre de Dakar. Donc, dans ce centre, on fait depuis 25 ans des opérations pour la cataracte et des opérations de glaucome et enfin toutes sortes d'interventions pour les yeux à des taux très, très, très, très bas, accessibles à la population. Le centre est opéré par 2 femmes ophtalmologues, 2 femmes rwandaises. Et là, le matériel était désuet et un peu défaillant. Oui. Donc, nous leur fournissons un ensemble d'équipements d'ophtalmologie pour moderniser leur centre d'ophtalmo. Et donc, on a envoyé tout ça. En plus, lors de mon dernier séjour au Sénégal, j'avais visité le centre et m'accompagnait un membre de notre conseil d'administration et son jeune fils de 14 ans. Mm-hmm. À l'occasion, les membres du conseil m'accompagnent et ils payent entièrement leurs dépenses. Ça, il faut bien le noter. Et dans ce centre, il y a un lieu de centre communautaire pour les jeunes et ils pratiquent des arts martiaux. Donc, notre jeune François, Charles-Éliott Garon de Québec, a vu que les tapis étaient défraîchis, étaient là depuis 30 ans. Donc, à son retour à Québec, il a organisé une campagne pour une levée de fonds. Donc, il a acheté avec les copains, les amis, les parents, des tapis pour faire le taekwondo. Oui. Donc, tout ça est parti dans le conteneur. Alors, bien sûr que les jeunes là-bas, ils vont être très, très heureux parce que, bon, les tapis étaient vraiment troués et, enfin, à changer. Plus beaucoup, beaucoup d'équipements pour un centre de santé, des seringues, des aiguilles, des diachylons, des gants jetables, enfin, ensuite, du mobilier, table d'examen, table d'opération, échographe, électrocardiographe. C'est une très belle initiative. Dans un dans un conteneur de 40 pieds, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de d'équipements qui vont. Est-ce que c'est plus compliqué sortir l'équipement avec toutes ces mesures de sécurité ou si ça va aussi, ça se complexifie pas avec le temps, pas vraiment? Non, parce que bon, nous, depuis toutes ces années, plus de 40 ans, on a l'habitude de le faire. Oui. Nous travaillons avec des transitaires professionnels, donc tout se fait. Donc il n'y a pas de difficulté particulière? Non, les difficultés sont plus lorsque ça arrive dans le pays qui reçoit, parce que certains pays ont des normes qui varient souvent, mais encore là, vous savez, dans notre organisme, à ma connaissance, il n'y a pas de... Tous les conteneurs arrivent à bon port. Quelquefois, c'est plus difficile le dédouanement, mais ça se rend toujours à l'organisme qui l'a demandé. Bon. On parlait du Bénin avant d'entrer en onde. Vous allez au Bénin, c'est ça que j'ai compris? Oui, oui. Je partirai dans 10 jours. Oui. Pour visiter nos projets, parce que vous savez, on fait pas seulement d'envoyer les containers. Chaque année, moi, je vais dans un pays africain, un pays d'Amérique latine et en Haïti pour voir faire le suivi. Donc, j'y vais pour un projet et ensuite, je rencontrerai aussi la responsable de l'organisme Bénin Enfants Saints, Madame Louise Leduc. Oui. Qui a mis sur pied un programme qui est vraiment très intéressant avec les enfants. Madame Leduc est allée au Bénin pendant 7 ou 8 ans avec les étudiantes infirmières du Cégep de Saint-Jérôme. Et lors de sa retraite l'an dernier, elle a mis sur pied une fondation pour continuer l'œuvre qu'elle avait commencée avec les étudiantes infirmières. Donc, je vais profiter de mon séjour au Bénin pour lui rendre visite parce que je sais qu'elle est là depuis le mois de janvier et qu'elle travaille avec les enfants un peu partout dans les villages. Oui, c'est une belle heure. Oui. Je lis aussi que vous, dans votre documentation, que vous soutenez des stages et des missions humanitaires. Le soutien qu'on donne aux missions humanitaires ou aux stages, c'est surtout en leur fournissant des médicaments. Oui. Par exemple, les cégeps ou même des individus qui partent avec des organismes nous demandent de leur fournir des médicaments. Nous avons une liste et suivant les capacités de la personne qui demande, bon, on peut donner des médicaments et les besoins sur place, des médicaments de base. Mm-hmm. Et c'est toujours très, très apprécié. Alors, on appelle ça « colis sous le bras ». Oui. Donc, c'est une valise que les gens portent avec eux et que, bon, par exemple, quand les étudiantes infirmières du Québec vont pendant un mois, elles arrivent avec des médicaments qu'elles peuvent donner au dispensaire où elles sont accueillies. Et ça, je vous assure que c'est très apprécié. On imagine. Vous en soutenez beaucoup de stages? Oui. Chaque année, on doit préparer. Ben, c'est pas vraiment des stages, mais en fait, on soutient ces interventions. On prépare autour de 800 colis par année facilement. Oui. En lisant votre dernier bulletin, les gens peuvent se le procurer, ils peuvent le lire d'ailleurs en allant sur votre site. J'ai oublié de prendre l'adresse. Peut-être on la donnera, l'adresse là, de votre site Collaboration Santé Internationale. Mais j'ai lu dans votre dernier bulletin une entrevue fort intéressante de David De Wilde, qui est quelqu'un qui est Qui est un spécialiste, quelqu'un qui intervient beaucoup dans le domaine du développement international, c'est ouais, ce que j'ai compris. Exactement. Oui. Et il racontait finalement, il racontait que il parlait de notion de développement durable. Je trouvais ça intéressant qu'il amène cette. C'est-à-dire, c'est pas seulement donner des choses, mais de s'assurer finalement, à mesure qu'on donne, que les gens peuvent se prendre en charge et que ils vont finir éventuellement par être en mesure eux-mêmes d'assurer d'avoir les médicaments, mais aussi de donner les soins de santé. Est-ce que vous voyez des progrès en ce sens? Oui. Puis quand je vous parlais que le recrutement ou enfin le partenariat, plutôt que je devrais dire avec des ONG, avant de faire un partenariat avec une ONG, on s'assure justement que c'est un projet de développement durable. C'est-à-dire que l'ONG est en mesure de recevoir de nous, mais en même temps de stimuler ou d'être capable de continuer l'action quand nous ne serons plus là. Nous, quand dans un conteneur, on peut mettre 3, 4, 5 barils de médicaments, qui est donné, bien sûr, mais on s'attend à ce que l'organisme vende les médicaments. On ne le donne plus maintenant. Hein? Ouais. Donc, on les vend à un prix modeste, accessible à la population, ouais. Et ce qui fait que ça leur permet d'organiser une pharmacie et de faire des achats sur place pour alimenter leur pharmacie. Donc ça, ce sont des choses avec lesquelles on travaille, nous, qu'on s'assure. L'autre point aussi, c'est que nous, on n'est pas dans l'aide d'urgence, on est dans le développement durable. Donc, quand il y a une catastrophe dans un pays, on n'a pas les moyens d'intervenir. On arrive dans la deuxième phase où on est en reconstruction. Ouais. Il y a d'autres organismes qui s'occupent de l'urgence. Voilà, il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans et nous, ça n'est pas notre mission. Oui, depuis tantôt, vous nous expliquez ce que vous faites et je trouve que vous en faites beaucoup, c'est drôlement intéressant, mais là, vous dites aussi sur votre site que vous avez besoin de revoir votre financement. Il y a des fonds qui venaient d'Ottawa qui ne viennent plus, c'est ce que je comprends? Oui, jusqu'à maintenant, on a bénéficié pendant presque toutes ces années d'une subvention de l'ECDI dans le cadre d'un programme particulier pour notre organisme. Mais compte tenu des changements qui s'opèrent actuellement avec la coopération, à compter du mois d'août 2014, ce financement se termine. Donc, pour nous, c'est une source d'inquiétude parce qu'on en a besoin. Vous savez, les coûts d'opération sont très minime chez nous pour le travail qu'on fait parce que on a 40 bénévoles qui sont là pour certains tous les jours de la semaine et toute la journée, pour d'autres 2 ou 3 matinées. Et il y a seulement 10 personnes salariées pour faire tout le travail qu'on accomplit. Donc, on peut difficilement réduire nos coûts d'opération et il nous faut absolument une subvention pour continuer à opérer. Soit-on qu'Ottawa trouve une façon, finalement, même s'ils ont revu un peu leur structure et tout ça, puis, bon, disons-le carrément, ils ont baissé, finalement, l'aide au développement, mais soit dans votre cas, je trouverais ça terrible qu'ils ne trouvent pas une façon de vous aider. Ah, on espère. Mais les gens aussi peuvent vous aider. Bien sûr. Comment ils s'y prennent? Bien sûr. Écoutez, d'abord, quand on envoie notre bulletin, on met toujours la petite enveloppe qu'on appelle. Alors, ils peuvent retourner leurs dons. Sinon, vous trouvez notre adresse sur notre site Internet, le www.csi, CSI pour Collaboration Santé Internationale, donc CSI Québec en un seul mot, .org. Nous sommes en train de refaire le site et on ne peut pas actuellement payer par carte, mais éventuellement ce sera fait. Et sur le site, vous avez notre adresse, donc c'est très facile de nous envoyer une petite enveloppe avec le chèque. Et ce sera très, très, très bienvenu. Je dois ajouter aussi que, on donne des reçus pour fin d'impôt, donc pour ceux qui... ça peut être intéressant. Les gens, il faut le dire puis il faut le redire. Ouais. Quand on fait un don, il y a une bonne partie de notre don qui peut nous revenir en retour d'impôt. Donc, ça vaut la peine. À ce moment-là, on se dit, je vais donner un peu plus. Oui, et puis j'invite tous les gens qui nous écoutent à venir nous voir au 1001 Chemin de la Canardière. Vous verrez un organisme qui est bien organisé, bien en place, qui est solide, qui travaille beaucoup, qui agit à la fois ici, parce que je pense qu'on a un programme de recyclage qui est très, très important, et à la fois à l'international, parce qu'on accorde un appui aussi aux populations qui en ont besoin pour améliorer les services de santé, un appui très important. Eh bien, merci. L'invitation est lancée, c'est tout ici, tout à côté de ces KRL, on invite les gens à aller vous visiter, pourquoi pas, et en tout cas, à aller voir votre site et à vous donner un coup de main. Merci beaucoup, Madame Defoy Dalbecque. Vous êtes directrice générale de Collaboration Santé Internationale. Merci beaucoup, Madame Monette, de votre attention. Merci. Pour une troisième année de suite, le Forum économique mondial de Davos s'ouvre avec la même nouvelle fracassante. Les inégalités sociales constituent un très important facteur de risque pour la stabilité mondiale et pour la sécurité de la planète. L'élite de l'élite s'inquiète donc du monde profondément injuste qu'elle a créé. Faut-il la prendre au sérieux? Faut tout de même l'avouer, ça va plus très bien dans les hautes sphères. On a beau s'isoler en montagne, loin de la rumeur populaire, le très mauvais état du monde commence à inquiéter dangereusement. Ça se reflète dans le contenu de certains ateliers et conférences qui ont été donnés. L'un d'entre eux, intitulé « Faire des affaires correctement », prétend qu'il faut considérer l'avancement des valeurs positives et pas seulement s'en tenir à faire des profits. Toute une preuve de perspicacité, avouons-le. Le problème Big Brother et de l'espionnage illimité inquiète grandement. Celui du chômage, surtout chez les jeunes, aussi. La destruction de l'environnement fait l'objet de quelques préoccupations. On s'alarme autant du mauvais état des océans que des effets du réchauffement climatique, auxquels il faut savoir s'adapter, titre l'un des ateliers. Des problèmes plus ciblés sont évoqués. La bulle de près de 14 trillions de dollars en prêts pour les étudiants aux États-Unis, alors que les diplômés ont de plus en plus de difficultés à trouver des emplois dans leur domaine de compétences. Ou encore l'avenir de la Suisse, après l'élimination du secret bancaire, que l'on semble considérer comme un fait accompli. Hérésie suprême, l'Amérique du Sud gauchiste est considérée comme un modèle par sa croissance inclusive. Davos serait-il en train de devenir altermondialiste? N'ayez crainte, d'autres ateliers nous entraînent sur des pistes plus convenues. Le protectionnisme est toujours vu comme le mal absolu auquel il ne faut cesser de s'attaquer. Certes, il faut réglementer davantage, mais il faut aussi déréglementer par derrière en concluant de nouveaux accords de libre-échange. La technologie et l'innovation sont toujours considérées comme des panacées. À Davos, on ne cesse jamais de rechercher les nouvelles tendances, on suit le sens du vent, peu importe où il nous mène. L'avenir est toujours à portée de la main et avec lui, d'innombrables nouvelles opportunités. Ce n'est pas la faillite du monde et l'accumulation de constats désolants qui empêcheront que l'optimisme soit de mise à Davos, comme le titrait Le Devoir du 22 janvier. Dès que des rumeurs de croissance se pointent, les problèmes se règlent d'eux-mêmes et les mauvais nuages disparaissent. Après tout, pour les participants, le plus important n'est pas d'assister à des conférences déprimantes, mais bien d'alimenter les réseaux de contacts. Davos demeure surtout un rendez-vous hyper élitiste où seuls quelques 2500 individus triés sur le volet peuvent participer. Le coût de la participation, d'ailleurs, a de quoi décourager toute personne qui n'est pas très fortunée. Pour fréquenter le Forum économique mondial, il faut d'abord débourser 52 000 par année pour être membre. Votre billet pour Davos vaut 19 000 $. Débourser 157 000 $ vous permettra d'entrer dans des lieux sélects où les médias ne sont pas autorisés. Et le niveau Strategic Partner vous garantit la confidentialité des échanges pour la modeste somme de 532 000 $. Faut ajouter à la facture les repas copieux, le coût des chambres exorbitant dans les hôtels luxueux de cette prestigieuse station de sport d'hiver. Si vous choisissez d'être accompagné, ben la facture passera à plus du double. L'organisation, nous dit le Journal de Monde, recommande de préférer la compagnie d'une femme, autant que possible. Question de, je cite, « diversifier la liste des invités ». Comme quoi, dans ce repère de mâles dominants et friqués, une agréable compagne sera toujours un gentil appât pour vous permettre d'établir de bons contacts.

Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Nous sommes de retour. Vous écoutez le Grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Bonjour Robert Jasmin. Bonjour. Robert, cette semaine, c'est la chronique mensuelle d'abord sur les États-Unis. De quoi allez-vous nous entretenir ce mois-ci? Ben, j'allais vous entretenir du système et de l'économie pénitentiaire aux États-Unis. Oui. Jusqu'à hier, où j'ai mis la main sur, où j'ai reçu des États-Unis, oui. Le résultat d'une recherche toute fraîche qui m'est apparue plus importante à traiter aujourd'hui, puis quitte à remettre les prisons à un autre samedi. Voilà. Oui, parce que malheureusement, la situation dans les prisons américaines ne va pas s'améliorer d'ici le mois prochain, on le croit pas. Je pense que ça va même être plutôt le contraire. Enfin. Alors, donc, de quoi allez-vous nous entretenir? Alors, aujourd'hui, c'est une enquête d'opinion. Oui. Qui vient de voir le jour de la part de le Pew Research Center, oui. Centre de recherche Pew. Oui, c'est un centre de recherche très important. On voit souvent passer le Pew Center. Oui, on peut faire confiance aux enquêtes. Alors, nous donne des chiffres qui sont à la fois alarmants en termes de rapports actualisés sur les inégalités dans le monde et aux États-Unis, mais aussi, ce qui est plus intéressant encore, puis on le verra dans un deuxième temps, oui. C'est l'évolution de l'opinion américaine sur l'intervention de l'État. Ah oui. Alors, les chiffres qu'on nous donne ne sont pas tellement réjouissants. Même, j'irais jusqu'à dire inadmissible, indécent et... Ah oui, à ce point. Juste un chiffre, mais on va essayer de l'illustrer de la manière la plus tangible intellectuellement possible. On dit que les 85 personnes, ça c'est au niveau mondial, les 85 personnes les plus riches. Donc, moi, je vais m'arrêter sur le chiffre 85 pour qu'on puisse le visualiser. Oui, oui. C'est deux autocars Montréal-Québec. Oui. Plein de monde. C'est pas beaucoup. Hein? On peut vite faire le tour, puis on peut même retenir les noms. Alors, ces gens-là possèdent à eux seuls... Ils sont à Davos, présentement. Ils sont à Davos, oui. Exactement. Ils possèdent la richesse totale de 3,5 milliards de personnes sur la Terre. Ouais. Ça veut dire 50% de l'humanité possède autant. Essayons d'imaginer le nombre d'autocars. Oui. Alors, c'est 85 personnes. Je pense que dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais atteint nulle part des inégalités aussi grandes. Et je ferai remarquer que ces 85 personnes ne sont pas des demi-dieux, sont des mortels, et ils ne peuvent porter qu'une seule paire de chaussures à la fois. Oui. Non, mais ça vaut la peine des fois de les... Oui, on se demande pourquoi de leur donner leur vrai statut. Oui. Là, je ne voudrais pas me mêler dans mes chiffres. Là. Au niveau mondial, si on reporte ça en pourcentage, au niveau mondial, 1% de la population, sortons du 85 personnes, là, ouais. Mais si on prend ça en pourcentage, 1% de la population possède la moitié de la richesse mondiale, de tout ce qui se produit en richesse. Ouais. C'est 1%. Depuis les années 70, donc on peut dire depuis l'avènement, les balbutiements du néolibéralisme là, oui, qui a trouvé oui. son apogée en 80 avec Reagan, Thatcher, le taux de taxation des plus riches a baissé dans 29 des 30 pays où les données sont disponibles. Donc, c'est une tendance mondiale où on a baissé l'impôt des riches. Les compagnies et les individus qui cachent de l'argent, moi je dirais qui volent de l'argent en les plaçant dans les paradis fiscaux, ça s'élève, et alors là, les chiffres atteignent, ça c'est un peu comme les années-lumière des étoiles, là. Oui. On a de la difficulté à se les représenter. Alors, je l'ai mis en 1000 milliards, 21 000 milliards de dollars qui échappent à l'impôt dans les paradis fiscaux. Voler. 21 000 milliards. Oui. Alors, on juste, ouais. Juste 1000 milliards, là. Hein? C'est énorme. Alors, 21 énorme. Fois. 21 fois. Alors, ça, c'est des chiffres au niveau mondial. Aux États-Unis, le 1%, le fameux 1%, hein, on se souvient de Occupy Wall Street, là. Oui. Qui a fait tellement d'Occupy partout dans le monde. Uh-huh. Qui s'en prenait au 1%, on disait toujours ça frappe l'imaginaire, mais c'est la réalité aussi là. Oui, tout à fait. C'était pas un chiffre inventé. Le 1% aux États-Unis réussit à retenir 85% de la croissance depuis la crise de 2008. Donc depuis 2008 là, 6 ans de reprise. On peut dire 95%, là, on n'est pas loin de 100%, hein, ouais. Qui n'a profité qu'à 1%. Ça veut dire que donc, tout le reste, hein, a stagné où ils disent que 90% de la population a moins de moyens et plus pauvre qu'avant la crise. Ouais. Alors, cette croissance est encore... Là, les inégalités ont augmenté avec la crise. Maintenant, l'enquête, je disais, nous révèle un changement de mentalité aux États-Unis. Et ça, c'est assez spectaculaire et étonnant. En l'espace de quelques années, on peut dire que ça s'est complètement inversé. L'enquête est du 24 janvier, on ne peut pas avoir plus frais que ça. 65% des Américains sont conscients des inégalités. C'était, je me souviens des chiffres que j'avais vus il y a à peine 7-8 ans, et c'était une minorité qui disait qu'il y avait des inégalités aux États-Unis. 65% le pense, le croit aujourd'hui, ou le voit plutôt. Je pense qu'on devrait dire le voit. Maintenant, comment ça se manifeste? Parce que quand on voit les chiffres, on comprend que l'opinion soit renversée. Si on regarde un graphisme, il y a des chiffres qui nous montrent, juste à un coup d'œil, que la situation actuelle est exactement la même qu'en 1929, au moment du grand crash mondial. Ah oui, il y a un parallèle à faire. Le parallèle en termes de chiffres est exact. Et on voit que les 10% de la population aux États-Unis accaparent au niveau du revenu total de la population 50% du revenu. OK? Ça, c'est 10%. Le 1%, alors là, on voit qu'à l'intérieur du 10%, le 1% accapare la moitié de ça. Donc, c'est pas un 10% qui sépare ça également. Là, hein? Les inégalités sont aussi chez les riches. Le 1%, c'est 25%. Or, c'est exactement les chiffres de 1929. 25% du 1% pour le 1% et 50% pour les 10% supérieurs. Ce qui est fascinant aussi, c'est de voir que le revenu a baissé dramatiquement au moment où les pays ont implanté des politiques sociales. Mm-hmm. Alors, mm-hmm. si on se reporte aux années 40, par exemple, ouais, avec la ouais. fin de la crise, ouais. avec Keynes qui a dit que l'État devait intervenir avec un filet social, ouais. ben on voit que là, le revenu des 10 % va pas stagner, mais va rester à peu près le même en termes de pourcentage sur, la pop- sur l'ensemble de la richesse jusqu'en 1980. Mm. En 80, on oublie tout et on remonte. Mm. Et là, on oublie toutes les mesures de, des accords de Bretton Woods après la guerre. On oublie les leçons de la crise et la même folie reprend chez les riches. Oui. On dit que l'histoire se répète. Pour nous amener aujourd'hui. On dit que l'histoire se répète, c'est... Oui. Hélas. Alors là, c'est ça qui est étonnant, c'est que la deuxième donnée de cette enquête-là, c'est que la population américaine, et c'est là qu'il y a le grand virage, 70 % des Américains, c'est l'inverse d'il y a 10 ans, mm-hmm. pensent que le gouvernement devrait jouer un rôle majeur pour réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Et donc 43 % qui disent beaucoup. Beaucoup oui. d'actions gouvernementales. Mm. Ça, c'est presque la moitié. On a 82 % des gens disent que le gouvernement devrait faire beaucoup ou assez pour réduire la pauvreté. Mm. Donc là, on ne parle pas des inégalités, on parle de la pauvreté. C'est 82 % qui sont d'accord avec ça. Quand on pose la question, là aussi, il y a un virage complet. Avant, il y a 7-8 ans, vous auriez demandé la question, de quoi dépend la pauvreté aux États-Unis? Oui. Une majorité aurait dit manque d'effort chez les pauvres. Oui, oui. L'excuse classique. Là, maintenant, c'est exactement l'inverse. Plus de 50 % disent que les inégalités sont dues, la pauvreté est due au fait que les riches ont eu des avantages dans la vie que les autres n'avaient pas. Ouais. Donc là, on commence à voir que c'est le système qui produit les riches et non pas les riches qui le font au fait qu'ils travaillent plus que les autres. Ouais. Il y a seulement un tiers de la population qui pense que les riches ont travaillé plus que les autres. Je pense que l'Institut économique de Montréal devrait se pencher sur cette étude. Eux qui passent leur temps à citer les États-Unis comme étant le paradigme, ouais. je pense qu'ils pourraient consulter la réalité au lieu de leur idéologie. Ouais. Et M. Sirois aussi, qui a fait une déclaration un peu sidérante cette semaine. Ah oui? Oui, oui, tout à fait. En fait, il a dit, grosso modo, que c'était, les Québécois, on comptait trop sur le gouvernement, on n'avait pas assez confiance en nous et qu'il fallait foncer, il fallait créer de la richesse. Donc, ça va en plein dans le sens contraire de la solidarité. Monsieur Sirois devrait lire les écrits des progressistes américains oui. qui nous citent comme un exemple à atteindre. Oui, tout à fait, tout à fait. Le salaire minimum aux États-Unis, 73 % des gens disent que le gouvernement devrait monter le salaire minimum, qui est à 7,25 $. Quand même le pays le plus riche de la planète, ouais. 7,25 $. Et on demande une petite saute jusqu'à 10,10 $. Ouais. Près de 75 % des gens. Une majorité de républicains, les républicains qui s'opposent à toutes les mesures sociales, économiques, favorisant la diminution de la pauvreté, ben les électeurs républicains ne les suivent plus. Ouais. Alors, changement là aussi. 54 % des gens commencent à comprendre qu'il faudrait hausser l'impôt des riches. Mm. Alors, ça aussi, c'est... et ça, ce qui est étonnant, parce qu'il faut être aux États-Unis où il faut syntoniser les grandes chaînes des médias, des grands médias de désinformation puis de conditionnement, là, qui martèlent toujours, toujours l'idéologie la plus conservatrice. Mais malgré Fox News et compagnie, ben, 54% disent que les riches devraient payer plus d'impôts. Ouais, c'est quand même... Il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe. Je parlais de Davos tantôt. Il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe à Davos parce qu'il y a comme des rapports qui commencent à sonner l'alarme sur les risques, les dangers que font courir les inégalités sociales, économiques et sociales parce que ça peut entraîner d'autres mouvements de protestation et donc nuire au développement économique. Mais ce qui est assez incroyable, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Robert, c'est que les 85 Américains qui font deux autobus, donc deux autocars dont vous parliez au début. Non, c'est pas les Américains, c'est 85 des plus riches dans le monde. Les plus riches dans le monde, pardon, qui font deux autocars. Ces gens-là doivent quand même être conscients qu'à un moment donné, la situation va exploser. Je sais pas. Moi, j'ai une hypothèse. Oui, allez-y. J'aimerais ça qu'un psychiatre soit invité à l'émission pour en traiter. Mais mon hypothèse, c'est que plus on devient riche, plus on devient fou. Ah oui? Et c'est quoi la folie? C'est de perdre contact avec la réalité. Bon. Et ces gens-là, d'après moi, ont perdu contact avec la réalité. Alors, d'où la nécessité de mouvement... C'est pire que des drogués, là. Oui. D'où la nécessité de mouvement qui rappelle justement à ces gens et au gouvernement surtout qu'il faut que les choses changent. Ben merci beaucoup Robert, c'était fort intéressant. Ben c'était fort intéressant, c'était un peu désolant mais en même temps encourageant parce qu'on voit au moins. Oui, quand l'opinion change. Exactement, c'est ça. Quand l'opinion change, il y a lieu d'espérer un peu parce que c'est la lucidité qui gagne du terrain, là. Oui, tout à fait, parce que le bateau, lui, continue d'aller dans la même direction, hélas, depuis de nombreuses années. Il faut le faire prendre. Il faut espérer qu'on n'atteigne pas le fond du baril avant de rebondir. Oui. Merci beaucoup, Robert. C'était un plaisir. On se reparle dans un mois. D'accord. Ah, c'était Robert Jasmin avec la chronique mensuelle sur les États-Unis. On va écouter un peu de musique et on va vous revenir avec l'agenda progressiste avec notre ami Michael Lessard. Je suis en compagnie de Michael Lessard. Bonjour, Michael. Bonjour. Un petit peu à la fois encourageant et troublant ce que Robert. Oui. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, en tout cas. Mais moi, ce qui m'a beaucoup bouleversé, c'est 85 individus, là, c'est vraiment rien. C'est pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est de la poussière dans le vent, c'est quelques grains de sable, si on peut dire, mais sur une plage. Mais j'aime beaucoup son image, deux autocars. Imaginons deux autocars qui possèdent autant de richesses. Moi, j'ai juste l'image de quelques poussières dans le vent, c'est vraiment... À peu près rien. Petit groupe insignifiant contrôle 50%. En tout cas, ça n'a aucun sens. C'est incroyable. Allons-y donc avec la chronique, l'agenda, progressiste. Oui, donc je vous lance quelques événements qui ont lieu cette semaine. Cette semaine, ça inclut demain. Ce dimanche 26 janvier, il y a une grande manifestation pour sauver Poste Canada. Tout le monde devine là, qu'on parle... On peut pas appeler ça une réforme, là, mais vous savez de quoi je parle, j'imagine. Le courrier ne serait plus livré aux portes, mais le courrier serait mis dans des cases à travers les villes. Ouais, donc, c'est bien de le rappeler, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont échappé cette nouvelle-là, mais effectivement... Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Donc, il y a un autobus qui part de Québec à 6h30 du matin à partir de 5000 boulevard des Gradins. 5000 boulevard des Gradins, l'autobus sera à Ottawa et vous ramène. Comme vous le savez probablement, il y a aussi eu un incendie, entre autres à Limoilou, récemment. Peut-être que vous avez entendu parler du fameux loup empaillé de fourrure Falardo qu'on a surnommé Limoilou. Oui. Donc, il y a un bingo bénéfice aussi demain, qu'on appelle le bingo bénéfice de loup, au profit des locataires sinistrés, en collaboration avec Production Limoilou en vrac. Ça, c'est à 16h au pub La Chope, c'est-à-dire 442 3e Avenue. Ensuite, lundi 27 janvier, soirée d'échange féministe. C'est une invitation à toutes les femmes de la région par le collectif régional Léa Robac, qui est membre de la Fédération des femmes du Québec, la FFQ. Donc ça, c'est à 18h30 au Studio P, c'est-à-dire le 280 rue Saint-Joseph-Est. Mardi le 28 janvier, un grand rassemblement, parce qu'on va voir, ça sera grand, ça va être grand si vous y allez. Rassemblement pour refuser la hausse des tarifs d'hydro. Donc, organisé par la Coalition régionale pour la justice sociale. Coalition un peu méconnue, mais c'est quand même à peu près 60 organismes et regroupements de Québec, Chaudière-Appalaches. Donc, des ça, organismes d'à peu près tous les milieux, c'est-à-dire milieux communaux. C'est surtout défense de droits, syndicats, communautaires, tout ça, oui. En gros. Là. Les gens peuvent, il y a un site où les gens peuvent s'informer sur cette coalition? Je crois pas qu'il y ait un site pour la coalition. C'est, okay. Ça, vous pouvez en savoir plus sur le site du RAPAC 0312, donc RAPAC.org. Donc, anyways, la manifestation contre la hausse des tarifs d'hydro, ça c'est à midi. À la bibliothèque Gabriel-Leroy. Ensuite, pour encore mardi et mercredi, mardi le 28, mercredi le 29, il y a quand même quatre événements sur la question des abus des compagnies minières canadiennes avec Ramsey Hart de Mine Alert. Je ne peux pas toutes les nommer, donc j'en nomme deux rapidement. Il y a la projection du film « L'or ou la vie », ça c'est mardi à 19h au cinéma Cartier, c'est suivi d'une discussion. Le tout se termine avec une conférence mercredi soir. La conférence s'intitule « Minières du Nord et du Sud, mêmes enjeux ». Ça, c'est aussi à 19h au Tam Tam Café, donc le 421 Boulevard Langelier, intersection Boulevard Charest. Je ne peux pas toutes les nommer, malheureusement. Je suis désolé pour toutes les différentes activités intéressantes que je n'ai pas pu nommer, mais vous pouvez les voir sur le média réseauforum.org. Puis, j'aimerais me permettre un message d'intérêt public. Oui, tout à fait, oui. Ben, je suis membre d'ailleurs du CA d'Attaque Québec. Attaque Québec, oui. Puis, on n'est pas satisfait du nombre de signatures qu'il y a pour la pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale pour rendre public, pour divulguer l'accord de libre-échange Canada-Europe. En fait, je ne sais pas pourquoi je dis libre-échange. En fait, c'est un accord économique Canada-Europe. Oui. Il y a une propagande qui appelle ça libre-échange, mais je voulais faire quelques commentaires rapides. Juste rappeler aux gens qu'on ne demande pas au monde d'être pour ou contre l'accord. On ne demande pas aux gens d'avoir une opinion même sur la théorie du libre-échange. Je pense que on parle pas de théorie ici. Là. On parle d'un accord économique, peu importe les qualificatifs. Moi, ce qui m'interpelle, puis j'aimerais aussi interpeller les PME, donc les petites moyennes entreprises, l'UPA par exemple, l'Union des producteurs agricoles, les agriculteurs en général et les citoyens et citoyennes. Je comprends pas qu'on ne revendique pas de voir l'accord. Oui. Ça n'a aucun sens. Puis j'ai l'impression qu'on a abandonné un peu la démocratie. Puis à quelque part, j'aimerais dire que je demande pas aux gens même de croire que nous sommes en démocratie. Je demande aux gens la question fondamentale, voulez-vous être en démocratie? Si vous souhaitez qu'on soit en démocratie, le minimum de transparence doit exister. Des gouvernements qui vont nous surprendre avec un accord quelques secondes avant de le ratifier, sans que personne, sans que les entrepreneurs qui vont être affectés par ça ne puissent avoir même vu l'accord, ça me dépasse. Ça me dépasse qu'on ne signe pas la pétition ou qu'on ne revendique pas. Donc, je pense qu'il y a un défaitisme peut-être. Il y a peut-être un découragement chez les gens. Donc, j'espère que les gens vont aller signer la pétition. Vous pouvez la découvrir plus facilement sur réseauforum.org. Oui. Sur rechercher sur le site de l'Assemblée nationale. Oui. C'est pas évident. Donc, c'est ça. D'ailleurs, j'aimerais mentionner que même Pierre Petitgroux a écrit une lettre ouverte en ce sens, demandant qu'on rende public l'accord. Donc, ce n'est pas une question de gauche et de droite. Je pense qu'on parle vraiment de principes très de base en démocratie. C'est ça. Effectivement, il y a des limites à mener un pays comme on met une entreprise privée derrière les portes closes. Parce que là, il y a un impact sur toutes sortes de droits. pour l'ensemble de la population. C'est pas seulement quelques entreprises qui, entre elles, décident de se donner des meilleures conditions. Et encore là, quand on parle de quelques entreprises, ce sont des entreprises surtout multinationales qui décident entre elles de se donner des meilleures conditions pour... Oui, en effet, on a raison de croire que quelques multinationales ont pu influencer le débat. Oui, les lobbies sont très forts. Mais c'est à peu près tout. Oui. L'ensemble du reste des entreprises du monde n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Mmh. En tout cas. C'est désolant. Ça fait le tour, Oui. Michael? Merci beaucoup. Donc, c'était l'agenda hebdomadaire des événements et des activités progressive dans la région de Québec et même parfois ailleurs. Je vous invite à vous rendre sur le site du réseau Forum Social. Peut-être rappeler l'adresse de l'endroit où les gens peuvent rappeler à nouveau l'adresse de l'endroit où les gens peuvent aller voir l'agenda. Oui, ben en fait, c'est simplement réseauforum.org. Réseauforum.org. C'est au singulier. Oui. Sinon, si vous recherchez activité engagée à Québec sur Google, ça devrait marcher. Mais... pas juste événement ou activité, il faut mettre le mot engagé ou quelque chose du genre. Oui, mais retenez ça, réseauforum.org, c'est très facile. Et c'est un agenda, je peux vous le dire, vraiment bien fait. Merci, Michael. Merci. Donc, c'est tout pour nous pour cette semaine. Merci beaucoup à Madame Defoy Gravel de Collaboration Santé Internationale qui nous a parlé de ce que fait la CSI finalement pour permettre à des hôpitaux ou à différents endroits où on des médecins etc. d'avoir des médicaments, d'avoir du matériel pour aider à améliorer la santé des populations un peu partout à travers le monde. Ils envoient, elle nous le disait, un conteneur par semaine, qui est quand même pas rien. Merci beaucoup à Claude Vaillancourt pour son éditorial bi-hebdomadaire. Merci à Robert Jasmin pour sa chronique mensuelle sur les États-Unis et à Michael Lessard pour l'agenda progressiste. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le Grain de Sable, et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ces enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org. D'ailleurs, c'est un autre endroit où vous pouvez vous rendre si vous voulez trouver le lien pour aller signer la pétition, parce que parfois, on va sur le site de l'Assemblée nationale, c'est un peu compliqué de trouver les pétitions. Ou vous rendez sur quebec.attaque.org, vous allez facilement trouver le site, le lien pour aller signer la pétition, pour demander que les ententes menant à un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe soient rendues publiques. Vous allez trouver aussi sur le site d'Attaque Québec tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog Le Grain de Sable WordPress. grainsableqc.wordpress.com. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Les geeks, contre-attaque suit sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Dimanche 23 février 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre bleu. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Les Enfants du Paradis, c'est une heure d'interview, de commentaires critiques et de découvertes en compagnie de Robert Boisclair et de son équipe. Pour tout savoir sur l'actualité théâtrale et dansée de Québec, découvrez Les Enfants du Paradis tous les lundis soirs dès 17h30 à CKRL. Et suivez-les sur Twitter. Bonjour, ici Pierre Vanchanfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule « Les matins éphémères ». Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Dors sur tes deux oreilles, la terre va tourner pareil encore. Je m'étais dit, bon, mais qu'est-ce que je ferais dans des moments de réconfort comme ça? Qu'est-ce que je me dirais? Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un? L'hiver s'est entêté à geler tous les cœurs restés dehors. Merci et ses chansons réconfort à Sentier Secret, mardi 28 janvier à 10h. Et si ce soir tu rêvais toi aussi?